passé, mais là, on commence pour de vrai. On a passé du temps pour se choisir un nom. Et là, c'est fait, on a choisi un nom. Alors, on va vivre avec ça pour les prochains mois, peut-être même les prochaines années. Les prochaines années, et pourquoi pas, on peut parler de décennies, qui sait. Alors, on a hésité entre une multitude de noms. On a eu des bons commentaires. Et je veux remercier tout spécialement... anonyme qu'on va nommer le psychanalyste qui nous a fait toute quand même là une analyse de nos noms. Vraiment, c'est très sympathique de ta part et j'espère qu'on va pouvoir compter sur toi dans nos prochaines émissions pour faire notre psychanalyse. Comme ça, ça va m'éviter de payer peut-être un psychiatre ou un psychologue dans l'avenir. Alors, on a choisi un nom et ce sera la voix des guerriers. Et ça va être un plaisir de partager avec vous à chaque semaine au moins 1h30, 2 heures d'émission. Fred, l'homme nouvelle Garcia, va être là à chaque semaine pour vous parler du sport le plus intéressant, le sport le plus complet, le sport le plus excitant qui soit. Ben, c'est le MMA. On a rassemblé tous les sports de combat, puis on n'en a fait qu'un seul avec ça. Ça donne le sport le plus intéressant, je pense. En tout cas, à mon avis, c'est le sport le plus complet qui exige le plus de ses athlètes. Le plus d'habilité, le plus tant au niveau physique que mental. Alors, soyez-y chaque semaine. Ce sera un rendez-vous. La Voix des Guerriers, c'est parti pour notre première émission. Fred Garcia, comment ça va? Bonjour, Ken, ça va bien? Ça va super bien. Comme d'habitude, puis on a des semaines un petit peu plus tranquilles ces temps-ci, mais ça va nous permettre un peu de prendre notre rythme. Et il s'en vient quand même des événements très intéressants. Le 24 octobre, évidemment, un UFC avec un combat de championnat du monde entre Lyoto Machida et Mauricio Roy. Par la suite, on va avancer au mois de novembre également. On aura du Strike Force avec un combat de Fedor Emelianenko qui affrontera Brett Rogers et le UFC également, la WA. C'est plein d'événements, ça s'en vient. Alors, on a quand même quelques sujets intéressants pour vous cette semaine. On va vous parler, entre autres, de résultats, dont des événements qu'on vous a parlé la semaine dernière. Il y a le MFC, la 22e édition. C'est une organisation canadienne qui présentait quand même des combats intéressants, mais bon, malheureusement, bon, c'était peut-être intéressant sur papier, mais apparemment, sur des combats que j'ai pas vus, mais la carte n'a pas été relevée tant que ça. Ça n'a pas été nécessairement une soirée excitante pour les gens qui se sont déplacés là-bas en Alberta, mais il y a quand même des résultats qui peuvent vous intéresser. Il y aura de l'ADCC qui est le gros tournoi de grappling avec les meilleurs pugilistes au monde dans le domaine. On va vous en parler. On a les résultats. Et par la suite, on va vous parler de plein d'autres choses. Tout le temps, les potins, les nouvelles. Fred Garcia est toujours là pour nous en parler. Et on va vous présenter... deux cartes, entre autres la WEC, leur 43e événement. Il y aura également la présentation sommaire quand même assez rapide de la carte Warrior One, qui est une autre organisation canadienne. Et ce sera un événement qui aura lieu à Gatineau, au Québec. On va vous parler de ça. Quand même, il y a un nom intéressant sur la carte, un nom que j'apprécie bien. On l'a vu dans le UFC, dans l'organisation Pride également. Il s'agit du Canadien Carlos Newton, qui sera opposé à l'Américain Shawny Carter. Alors, tout ça et plein d'autres sujets très intéressants pour vous dans cette émission-ci. Et avec quoi qu'on commence, mon ami Fred, si on parlait, je pense, du combat qui a intéressé le plus les lecteurs de MMAnouvelles.com et je pense la majorité des amateurs de MMA cette semaine, c'est un combat entre Kimbo Slice et Roy Nelson. C'était présenté lors de la 3e émission de la télésérie The Ultimate Fighter. Alors, Fred, tu as vu le combat? Oui, j'ai regardé ça mercredi soir. C'était présenté. C'était pré-enregistré, comme la plupart du monde le sait. On a eu droit à un bon combat, quand même. Au début du... si on commençait par l'émission, le début de l'émission a été très intéressant parce qu'on voyait Kimbo qui parlait de lui-même. Puis, je pense que j'en ai parlé un petit peu auparavant. Moi, j'ai souvent dit des mauvaises choses, si on veut, sur Kimbo, parce que à cause de l'image qu'on vend de lui, mais une fois qu'on l'écoute, Kimbo, il est quelqu'un de très humble, très honnête, et il paraît très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé comment que l'homme parle Kimbo depuis que je le vois dans l'UFC. Pour ce qui est du combat, ben Roy Nelson a juste prouvé, je pense, qu'il a plus de talent que Kimbo. Kimbo, C'est un beau show marketing, mais c'est ça, d'un point de vue MMA, comme on disait, il n'y a pas les qualités requises pour avoir du succès. Alors, je suis content de voir qu'il y a l'esprit ouvert à apprendre et vouloir toujours s'améliorer, à ajouter des armes à son arsenal. Mais à 35-36 ans qu'il y a, il n'y aura pas d'impact. Je ne vois pas aucun impact à venir de sa part. Oui, comme, il y a une technique de boxe assez appréciable, je pense. Puis il a lancé deux coups de pied face à Roy Nelson. Puis je sentais qu'il y avait de la vigueur là-dedans. Donc debout, il peut se Ouais. débrouiller. Effectivement, très limité au sol. Son apprentissage en MMA, je pense, ça a passé par Bazrouten à un certain moment. Par la suite, là, il semble avoir un froid entre les deux. Et là, va se diriger du côté de l'American Top Team, si j'ai bien compris ce qu'on a lu dans les derniers jours. Alors ça va peut-être lui donner des nouveaux outils, parce que là, au sol, on a vu très limité. Le dos au sol ne semblait pas savoir vraiment quoi faire, mais a démontré du courage. Mais il faut dire que Roy Nelson, rapidement, a pris des positions très avantageuses, a maîtrisé Kimbo. Mais effectivement, puis ça, je pense ça se reflète dans les commentaires de plusieurs personnes là, qui ont vu le combat. Les coups de Roy Nelson semblaient manquer un peu de jus. Oui, moi je vais être honnête, quand j'ai regardé le combat, je me demandais si c'était pas voulu qu'il manquait de jus, là. De moi, d'ailleurs, on a pensé la même chose, Fred. Peut-être quelqu'un lui a dit de manquer de jus dans ses coups de poing. Mais pour revenir à Kimbo une seconde, oui, un beau stand-up. Mais à chaque fois qu'il connectait avec Roy Nelson se retrouvait ou bien en clinch ou en reculant, puis Kimbo avait plus les réponses non plus. Même en clinch, une fois quand il était collé, Nelson l'amenait au sol assez facilement. Alors, oui, j'aime bien les mains à Kimbo, puis il y a un look impressionnant et peurant. Mais même dans le combat debout, c'est ça. Vu que c'est pas juste de la boxe, il y a le clinch, puis il y a le Muay Thai, tout ça. Je suis pas si impressionné que ça non plus avec les aptitudes de Kimbo. Effectivement, il n'y a peut-être pas les meilleurs déplacements du monde également pour pouvoir éviter Roy Nelson, qu'il faut dire quand même, lui, il rentrait dedans, puis a pas hésité à manger un ou deux bonnes claques de Kimbo, mais ensuite s'approcher de lui, puis l'amener au sol. Ça s'est passé, je pense, exactement comme Roy Nelson l'avait planifié. Ça a bien fonctionné pour lui, a dominé le combat au sol, a distribué 67 coups de poing au sol, contre aucun pour Kimbo Slice, toujours au sol. Bon, en chiffres, là, il a fait une tentative d'amener au sol Roy Nelson, puis il l'a réussi. La deuxième fois, je pense, c'est plus Kimbo qui a trébuché. Une fiche parfaite. Roy Nelson a dominé le combat assez facilement et certaines personnes qui ont vu le combat, et là je pense à tes lecteurs de MMAnouvelles.com entre autres, qui pensent que peut-être l'arbitre, qui était Herb Dean à ce moment-là, aurait peut-être arrêté l'arbitre un peu trop rapidement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être, parce que comme on disait, les coups n'étaient pas très durs, mais Kimbo se défendait pas vraiment non plus. Non, là, il y avait aucune possibilité de se défendre, Ça, là. ça rappelait un peu BJ Penn puis Matthews quand Hughes avait battu Penn, mais au moins Hughes avait de la puissance dans ses coups à ce moment-là. Oui, puis ben, c'est ça. Roy Nelson qui a pris la position montée, mais a sacrifié cette position-là pour aller chercher la position de côté, barrer un bras de Kimbo à l'aide de ses jambes, puis ensuite, ben, il allait de petits coups de poing. Pas trop puissant, mais à un moment donné, l'arbitre aurait pu laisser continuer ça tout le reste du round, mais Kimbo en aurait mangé tout le long. Il n'aurait pas été capable de se déprendre de ça. Il savait pas nécessairement quoi faire. Puis, de toutes les manières, c'est une position. Quand tu es pris dans cette position-là, ça devient très compliqué de s'en sortir, là. Et je pense que l'arbitre a pris la bonne décision, d'autant plus que c'est pas un combat professionnel, c'est-à-dire ça ne sera pas dans la fiche des combattants. C'est un combat quand même pour, je dirais, presque amateur, là. Les gars n'avaient pas une grosse bourse pour ça. En fait, y a-t-il une bourse? Pas nécessairement. Pas supposé, mais c'est quand ils ont annoncé que Kimbo Slice a signé pour l'Ultimate Fighter, Dana White avait dit que personne recevait de l'argent sans gagner de l'Ultimate Fighter, mais j'ai beaucoup de misère à croire ça, que Kimbo a pas reçu un salaire garanti à quelque part, parce que si on considère sa valeur marketing au moment, Oui. était très haute, puis il y a beaucoup à perdre d'un point de vue monétaire. Alors, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait accepté d'aller à l'Ultimate Fighter sans garantie financière à quelque part. Ben, Kimbo a acquis quand même une certaine notoriété avec des combats sur le net. Ensuite de ça, bon, on fait un début, je pense pas qu'on peut dire fracassant en MMA. Son dernier combat, ben, écoutez, il n'a pas eu l'air nécessairement brillant, là. Je pense qu'en 14 secondes, c'était réglé sur un coup de poing quand même. Honnêtement, là, oui, mais tu vois, très anodin. Il a parlé justement un peu dernièrement de ce combat-là avec Petruzzelli. Et c'est là que je veux revenir au fait que j'aime beaucoup son attitude. Ça, je pourrais pas le dire assez. Le gars, moi, j'aime beaucoup les personnes honnêtes. T'sais, on écoute Georges Saint-Pierre, tout ça. Il parle du cœur, tu sais, c'est pas un robot qui parle, même si des fois le monde il rit de Georges Saint-Pierre avec son accent et tout. On peut sentir qu'il parle du cœur, il parle vraiment de ce qu'il pense. Alors, j'ai beaucoup aimé ça de Kimbo, moi, depuis une couple de semaines. Il parle justement de Petruzzelli, comme quoi la journée a pas bien été, il pensait qu'il n'y avait plus de combat. Et c'est pas pour lui donner une excuse, c'est juste normal, je pense, à travers la préparation qu'il a dû être ébranlé. Avec ça dit, Petruzzelli est sûrement quand même un meilleur combattant que lui. Je pense qu'il y a plus de. Il y a plus un background que Slice. Effectivement. Ben, au sol, sûrement qu'il y a des meilleurs outils. Debout, je pense que c'est un spécialiste en karaté, surtout, là, Petruzzelli. J'imagine qu'il a peaufiné un peu ça, mais debout, je pense pas qu'il peut rivaliser, même si cette fois-là, il y a peut-être eu. Non, mais j'ai pas le nom en tête, mais on sait que Petruzzelli, il fait partie de. Il s'entraîne avec d'autres combattants. On l'a déjà vu dans le coin de combattants. Tandis que Kimbo Slice, on l'a jamais vraiment vu avant. Là, on a appris, tu as dit c'était AKA? American non, Kick. Non, l'American Top Team, ouais, excuse. C'est ça. Alors là, on apprend qu'il finalement, il va aller à American Top Team. Il a passé un peu de temps avec Boss Rutten. Mais c'est pas. C'est pas bien terminé. Je sais pas si. C'est vraiment, ça. Il a envie de s'impliquer tant que ça, puis si c'est un homme discipliné dans son entraînement, là, on le connaît peut-être pas assez pour ça. On va voir si ça va durer avec l'ATT. Si ça fonctionne bien pour lui, l'ATT, quand même, c'est l'un des camps les plus réputés en MMA. Là, il y a d'excellents combattants qui sont là, en passant par Thiago Alves, Thiago Silva, entre autres, et plusieurs autres qui performent très bien. Oui, c'est une très bonne équipe qui ont là-bas, alors peut-être que ça va aider Kimbo. J'en reviens toujours à l'âge, moi. C'est ce qui me fait le plus peur pour lui. Oui, puis je pense, en tous les cas, il n'aura pas le choix s'il veut avoir une carrière en MMA respectable. Il va devoir descendre de poids à 205 livres. C'est un gars quand même qui a une bonne charpente, mais là, dans les poids lourds en MMA, là, c'est des gars beaucoup plus corpulents que lui, je pense, puis qui ont une meilleure lutte techniquement que lui, puis en plus de ça, beaucoup plus fort physiquement. Alors, s'il veut avoir des chances, je pense qu'il n'aura pas le choix d'essayer de descendre à 205 si c'est possible pour lui. D'après moi, ça peut être faisable. Alors, tu parles de son physique, justement, puis c'est une autre chose qui m'est venue en tête quand je l'ai regardé. Je le trouve, le haut du corps, quasiment trop musclé. Si on regarde, à part Brock Lesnar, la plupart des gars, les Georges Saint-Pierre, tu sais, ils sont en forme, mais ils n'ont pas non plus des muscles boursouflés au niveau que Kimbo a, je trouve. Or, je suis sûr qu'il a une bonne force physique, mais en même temps, ça coupe peut-être dans sa souplesse puis ses mouvements, justement. Le fait qu'il a de l'air stiff, il a de l'air raide dans la cage. Oui. Alors, pour finir avec ça, quand même, un gros succès. Ça a été, on a battu les codes d'écoute sur Spike TV pour une diffusion d'une émission The Ultimate Fighter avec en moyenne 5,3 millions de personnes qui ont regardé ça en direct. Ça se passe le mercredi soir entre 22h et 23h. Et on a atteint un sommet de 6,1 millions de personnes qui ont regardé ça lors du combat, évidemment, entre Kimbo et Roy Nelson. Et tout ça pour dire que ce combat-là, c'est le quatrième plus vu de tous les temps du MMA. Ça s'est précédé quand même avant ça d'un affrontement entre Kimbo lui-même et James Thompson. Je sais pas si tu as vu ce combat-là où Kimbo, ouais. D'après moi, l'arbitre aurait vraiment dû arrêter le combat là, à la fin du premier ou du deuxième, là, je me souviens plus très bien, mais James Thompson avait contrôlé Kimbo au sol, puis lui donnait des solides coups à la tête. Et Kimbo avait pris beaucoup de temps avant de se relever lorsque la cloche a sonné à la fin du round, puis on voyait qu'il était très éprouvé. Par la suite, il avait réussi à aller remporter le combat, mais l'arbitre, je pense à ce moment-là, c'était Dan Miragliotta, avait fait une erreur de jugement assez flagrante. Une de ces plusieurs. Tu mentionnais ce combat-là. Il faut juste mentionner que le combat était sur CBS, qui est une chaîne de TV, si on veut, disponible à tous les foyers américains. Alors, ils ont eu 7,1 millions sur CBS avec Elite XC, mais l'UFC, qui est avec Spike TV, qui, elle, est une chaîne câblée, il faut s'abonner, a réussi 5,1 millions. Alors, les chiffres, si jamais l'UFC pourrait finir par avoir un contrat de télévision avec une grosse compagnie de télévision comme CBS ou NBC, ça serait très intéressant de voir les chiffres qui pourraient atteindre l'UFC. Oui, ben c'est un détail bien important que tu apportes là, Fred, effectivement. Et ben souhaitons voir ça arriver incessamment. Je ne sais pas sur quelle chaîne, là, déjà, bon, sur CBS, je pense Strike Force est là. Alors, on peut penser peut-être sur l'une des autres chaînes généralistes. Là. Je sais que Chuck Liddell participe à une émission sur ABC, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y a déjà des négociations en ce sens-là. Oui, ça serait... Regarde, tout ce que je vais dire, c'est par ce que je sais d'ABC. C'est un peu une compagnie familiale qui appartient à Walt Disney. Alors, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit ABC. Mais il y a Fox qui commence aussi à s'impliquer dans le MMA avec beaucoup de shows. Là. Ils ont Inside Fight Game ou quelque chose comme ça qui s'appelle sur Fox Sports. Et tout le monde, tout court, il commence à apprécier le MMA. Alors, avec les années à venir, on va en voir de plus en plus sur la TV conventionnelle. Parfait. Alors, Fred, tu continues à suivre la télé-réalité pour nous, je pense. Et j'ai l'impression qu'on va faire à peu près, on va utiliser tous les moyens possibles pour qu'on puisse ramener Kimbo dans l'émission. Oui, c'est ce qui semblait arriver dans les annonces qu'on a vues en fin d'émission cette semaine. On nous a montré quelques séquences de la semaine prochaine. Et Marcus Jones, le joueur de la NFL, justement, semblait avoir une blessure et ça laissait présager le retour de Kimbo pour le remplacer. Ce qui donne encore, ça enlève un peu de crédibilité, là, peut-être, là, mais on verra bien comment que ça se passe. Oui, moi j'ai vu seulement que les deux premières saisons, puis on avait fait ça avec Chris Leben lors de la première saison, la première saison, il me semble. Chris Leben avait été défait, je pense, par Josh Koscheck, et par la suite, suite à une blessure d'un autre compétiteur, était revenu et avait pu progresser, je pense, jusqu'à un affrontement face à Kenny Florian à ce moment-là, puis Florian l'avait vaincu également. Alors, ça conclut pour cette troisième épisode de Ultimate Fighter et le combat qui vous a intéressé entre Kimbo Slice et Roy Nelson. Soit on déteste ou on aime Kimbo Slice, mais il laisse à peu près personne indifférent. C'est ce qui fait en sorte que je pense que les gens suivent son ascension dans le monde du MMA. Par la suite, un autre événement, cette fois-ci, ça se déroulait au Canada, en Alberta plus précisément. Le MFC, c'était leur 22e événement. Ça, c'est organisé par Mark Pavlich. Et d'ailleurs, on a appris dans la dernière semaine qu'ils avaient signé un autre combattant fort réputé, Thales Lettes, bon, qui est réputé peut-être, mais pas nécessairement le combattant le plus spectaculaire. Et là, cette fois-ci, le 2 octobre, on présentait un événement, somme toute, avec des noms très intéressants. Le combat final opposait Travis Luther, l'Américain, qui affrontait Jason McDonald, le Canadien. Les deux, leur dernier combat s'était disputé à Montréal, Jason McDonald en avril 2009 et Travis Luther, à son cas, c'était en avril également, mais 2008, dans les événements du UFC qui avaient eu lieu au Centre Bell. Et l'Américain a eu le dessus sur Jason McDonald. De ce qu'on peut lire, c'est que Luther a dominé les deux premiers engagements en amenant le combat au sol, en prenant de bonnes positions avantageuses pour lui. Au troisième, un peu comme à son habitude, Luther ralentit parce que, bon, peut-être pas nécessairement le meilleur conditionnement physique. Jason McDonald va chercher le troisième engagement. Trop peu, trop tard, c'est Travis Luther qui l'emporte par décision. Unanime, les trois juges ont donné des cartes de 29 et 28, tous en faveur de Travis Luther, qui a 36 ans, On va chercher une autre victoire pour lui. Sa fiche maintenant est de 10 victoires et 5 défaites. C'est un excellent combattant, Travis Luther, avec beaucoup de potentiel. Avait donné beaucoup de difficultés à Anderson Silva avant que Luther, comme à l'habitude, s'épuise rapidement et que bon, Silva puisse prendre les devants et remporter le combat. Face à Rich Franklin, la même chose. Luther avait bien entamé le combat. Par la suite, Franklin avait été chercher la victoire également. Mais si Luther met du temps à l'entraînement, puis essaie d'améliorer son cardio. C'est un combattant qui peut être très dangereux, puis s'il est sérieux à l'entraînement, je pense que c'est le genre de combattant qu'on peut revoir assez rapidement dans le UFC. Pour ce qui est de Jason McDonald, ben, il s'agit pour lui d'une troisième défaite consécutive. Wilson Gouveia et Nate Quarry, un peu plus récemment, l'avaient défait. Et il a 34 ans, 33 victoires, 13 défaites, un solide guerrier, Jason McDonald, mais là, s'éloigne un peu du UFC avec cette défaite face à Travis Luther. Oui, j'ai pas pu regarder le combat. Je sais que c'était disponible sur HDNet, mais c'est malheureux pour Jason McDonald. Comme tu dis, j'aime bien. C'est un combattant charismatique, alors la foule en général l'aime bien. Tandis que Travis Luther, j'ai pas le même amour que toi t'as pour lui. Je suis content pour lui qu'il remporte une victoire, mais comme je disais la semaine passée, je me demande si dans sa tête, il est vraiment prêt à être un combattant à temps plein. Ben justement, c'est son premier combat en un an et demi. Et par avant, il donnait l'impression de quelqu'un qui prenait pas soin de sa condition physique plus que ça. Alors, c'est clair. Oui, excuse, qu'est-ce que t'as dit? Ça, c'est clair, Fred, t'as absolument raison là-dessus. Si le gars met plus de sérieux à l'entraînement, c'est vraiment un compétiteur très dangereux. Il a soumis, entre autres, Patrick Côté. C'est un gars qui a d'excellents outils, mais il reste à lui aller polir, puis à prendre soin du coffre. Mais s'il fait ça, ça peut être un sérieux candidat là, à être l'un des meilleurs de cette division. Oui, son jiu-jitsu est excellent, c'est ça justement. Il faudrait juste qu'il dévoue tout son temps à s'entraîner pour le MMA, je pense. C'est surtout ça l'aspect qu'il faudrait pour lui. Oui, puis c'est ça, s'entraîner comme il se doit également. Mais malheureusement, à 36 ans, c'est peut-être trop peu trop tard dans son cas. Par la suite, ça devait avoir lieu un combat de championnat dans la catégorie des 155 livres entre Antonio Mecchi et Carlo Prater, mais malheureusement, l'un des combattants n'a pas fait le poids. Il s'agit du challenger, Prater, qui n'a pas réussi à faire le poids. Alors, le combat qui était prévu pour 5 engagements, mais là, on a revu ça. Et c'était un 3 rondes. Et c'est un combat qui, apparemment, n'a vraiment pas été intéressant. Un combat somnifère de ce que j'ai pu lire. Et c'est une victoire du champion de la catégorie. Antonio Mecchi qui l'emporte. Et maintenant, une belle fiche de 23 victoires, 3 défaites et 2 combats nuls dans le cas de Antonio Mecchi, c'est son 13e combat sans défaite. Alors, son dernier revers remonte en 2003. C'était face à Caro Parisian. J'en ai parlé la semaine passée. Et dans le cas de Prater, ben, il encaisse une 7e défaite. Lui qui a déjà 24 victoires à sa fiche. John Alessio, tant qu'à lui, le gars de l'Extreme Couture, va chercher une belle victoire face à Luigi Fioravanti, qui s'entraîne avec l'American Top Team, qui est même l'un des coachs là-bas, et qui est un ancien combattant du UFC. Bien, c'était une surprise, je pense, Fioravanti qui a été défait. John Alessio va chercher la victoire par KO. Les deux, surtout Fioravanti, reconnu pour avoir des mains assez lourdes, mais là, c'est lui qui a payé le prix. Et Alessio va chercher une victoire. Et dans le cas de Fioravanti, ben c'est sa 6e défaite. Il a 15 victoires. Alors, lui, évidemment, je ne pense pas qu'on le revoie dans le UFC. De toutes les manières, a toujours embarqué dans l'octogone avec un peu de graisse. Là. C'est un combattant, je pense, qui aurait vraiment besoin, lui aussi, peut-être de peaufiner son conditionnement physique et de descendre de catégorie de poids. Oui, c'est... Voyons, dans l'organisation MFC, il y a plusieurs noms intéressants, justement, mais ils sont tous à un point où on se demande s'ils ont ce qu'il faut pour revenir dans l'UFC ou s'ils vont rester, justement, dans des promotions locales. C'est beaucoup de combattants dans ce bateau-là, je trouve. Mais il y a des noms intéressants avec les Luther, McDonald, Heat, Eastman. Alors, ça donne un bon spectacle pour du MMA local. Et parlons-en justement de David Heath, qui avait une belle fiche de 9 victoires et 4 défaites, et qui venait de remporter un combat face à Roger Ouellet. Eh bien, David Heath, qui a combattu à quelques reprises dans le UFC, a perdu son combat face à Mike Nichols par étranglement arrière au troisième engagement, à la toute fin du combat, en fait, à 4 minutes 02 du troisième engagement. C'est Nichols qui va chercher la victoire. Ryan Gimot, peut-être un jeune prospect, c'est un Canadien. Il va chercher une 11e victoire consécutive. Il a une fiche de 11 victoires et une défaite. C'est donc dire que sa première défaite, il l'a subie à son premier combat en carrière. Mais depuis, ça va très bien pour Ryan Gimot, qui poursuit sa route peut-être vers des combats plus significatifs. Et puis, pourquoi pas le voir dans des organisations encore plus prestigieuses, malgré que la MFC quand même comporte une liste de combattants assez intéressant à voir. Et Ryan Gimot a disposé de Marvin Eastman, un gars très expérimenté, qui a battu dans ses débuts, je pense, dans le UFC, entre autres Quinton Jackson. Quinton a pris sa revanche par après, puis lui avait ouvert le crâne, là. Mais quand même, Eastman est allé chercher quelques belles victoires en carrière, et pour lui, c'est une deuxième défaite consécutive, Eastman, puisqu'il avait perdu, là, vous vous en rappelez peut-être, il y a quelques semaines, il avait perdu face à Ricardo Arona, une décision également. Il faut dire là précisément que Ryan Gimot est allé chercher cette victoire-là par décision partagée face à l'Américain Marvin Eastman. Pete Spratt, tant qu'à lui, va chercher une victoire par KO, uppercut, et c'est Nathan Gunn qui l'a encaissé. C'est une première défaite dans le cas de Gunn, et pour Spratt, c'est une 10e victoire acquise par KO ou TKO. Ça conclut les résultats pour la MFC 22. Pour avoir plus de détails et avoir vraiment tous les résultats de la carte, c'est présenté sur mmenouvelles.com. Alors, maintenant, Fred, moi, il y a un événement qui m'intéresse. J'ai pas vu les combats, malheureusement, mais l'ADCC présente les meilleurs combattants de la discipline hommes et femmes réunis. Et ça s'est présenté, c'était présenté en Espagne, ça, il y a quelques jours, la fin de semaine dernière, pour être un peu plus précis. Et je vais vous donner les résultats, parce qu'il y a des noms que vous connaissez, ça, c'est certain, plusieurs combattent en MMA également. Des noms très intéressants. C'était un événement qui a, je pense, réuni quelques surprises. Dans la catégorie absolue, alors tout poids confondu, c'est un Brésilien qui l'emporte. Vous n'êtes probablement pas surpris de ça. C'est un gars qui s'appelle Braulio Estima, qui, comme je vous dis, vient du Brésil. Il a reçu sa ceinture noire en 2003. Et c'est lui le chef instructeur et propriétaire d'une école en Angleterre, à Birmingham, pour être un peu plus précis, une succursale de la Gracie Barra. Alors, Braulio Estima qui a fait honneur à tous ses élèves qui sont situés en Angleterre. Et de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il prévoit peut-être débuter une carrière en MMA en fin d'année 2009 ou en 2010. Alors, Braulio, on va peut-être pouvoir le voir dans un octogone ou un ring incessamment. J'ai bien hâte de voir ça. C'est un athlète de 6 pieds et 3 pouces et qui combattait, et ça c'était assez surprenant, dans la catégorie des moins de 88 kilos. Mais c'est lui qui a gagné quand même dans la... il a gagné également dans les moins de 88 kilos et il a gagné en plus de ça dans la catégorie tout poids confondu. Alors, excellente performance pour lui. Alors, j'ai bien hâte de voir ses débuts en MMA si ses débuts se font comme il le mentionne sur certains sites internet. Pour ce qui est de la Gracie Barra, dont il est propriétaire d'une succursale, là, c'est la grosse école de Jiu-Jitsu brésilien, peut-être l'une des plus reconnues. Entre autres, il y a le Renato Sobral qui s'y entraîne avec Carlson Gracie. Il y a eu Carlson Gracie père qui est l'un des pionniers en Jiu-Jitsu brésilien. Le pionnier, je dirais, avec son jeune frère Elio Gracie. Mais par la suite, Carlson a ouvert plusieurs écoles et c'est son fils maintenant qui a pris la relève, Carlos Gracie Jr., qui a poursuivi tout ça. Puis on est rendu maintenant avec plus de 150 écoles un peu partout à travers la planète. Et évidemment, la majorité se trouve au Brésil, mais on en retrouve également en Amérique et en Europe et en Angleterre, comme je vous le mentionne, Braulio Estima, qui a une succursale là-bas, avec des combattants assez intéressants. Par la suite, ça c'était pour la catégorie tout poids confondu. Il y a un Brésilien, un autre qui termine deuxième, c'est Alexandre Ribeiro. Et le troisième, Vinicius Magalhães, un Brésilien également. Il termine troisième et celui-là, on l'a vu à quelques reprises dans le UFC. Il a fait partie également d'une des éditions de Ultimate Fighter. Du côté de Fabricio Werdum, le combattant du Strike Force dans la catégorie poids lourd, qui aimerait, et qui l'a mentionné quand même à plusieurs reprises, affronter Fedor Emelianenko le plus rapidement possible. Il a gagné dans la catégorie des plus de 99 kilos. Alors, dans les plus lourds, c'est Fabricio Werdum qui va chercher la victoire. Par la suite de ça, on a Roberto Abreu, également du Brésil, et Jeff Monson, qui est le seul Américain là, à se placer là, en troisième position. Jeff Monson, qui est un excellent grappleur, qui a connu toujours des succès. Dans le cas de Werdum, c'est une deuxième victoire, je pense, pour lui consécutive en 2007, parce que c'était un événement qui revient à chaque 2 ans. Werdum avait, si je ne me trompe pas, également remporté la catégorie des poids lourds. Oui, c'est bien ça. Et dans le cas de Jeff Monson, mais en 2009, il termine troisième dans les poids lourds. En 2005, il avait terminé en première position, toujours dans la même catégorie de poids. Alors, pour lui, il continue quand même toujours stable et une autre belle performance pour Jeff Monson qui s'entraîne avec l'American Top Team. S'ensuit, je vous donne les résultats un peu plus rapidement dans les autres catégories. Alexandre Ribeiro qui termine premier dans les moins de 99 kilos. C'est un Brésilien. Braulio Estima, comme je vous l'ai dit, l'a gagné également dans les moins de 88 kilos. Et la grosse surprise, c'est Pablo Popovic qui est allé chercher le titre dans la catégorie des moins de 77 kilos. Popovic, bon, il a un nom plutôt européen, presque russe, mais c'est un Brésilien et il remporte devant son adversaire de tous les temps, Marcelo Garcia. Marcelo Garcia qui est considéré comme l'un des meilleurs livre pour livre, sans aucun doute, dans cette discipline-là, en jiu-jitsu, en brésilien en l'occurrence, et en grappling également. Garcia l'avait emporté dans l'édition 2003, l'édition 2005 aussi, et 2007 dans la catégorie des moins de 77 kilos. Eh bien, cette fois-ci, c'est une surprise puisque c'est Popovic qui l'a vaincu. Popovic qui avait terminé deuxième dans les 2 dernières éditions derrière Marcelo Garcia. Eh bien, là, il vient de prendre sa revanche. Ça conclut pour les résultats de l'ADCC. L'événement très intéressant qui revient à chaque 2 ans. Alors, ce sera un prochain rendez-vous en 2011. Et j'espère qu'on aura la chance cette année-là, en 2011, peut-être de voir d'autres combattants du UFC, entre autres, parce que je pense que peut-être dans leur contrat, on peut les empêcher de participer à la DCC. Parce que, bon, Damien Maia, c'est un gars qu'on a vu à quelques reprises, à une reprise au moins à la DCC. Il avait remporté sa catégorie de poids en 2007. Mais là, il n'était pas présent. Fedor, lui, bon, qui a signé avec Strike Force, il y avait plusieurs rumeurs à laquelle il devait y participer, qu'on a pu lire dans les derniers mois. Mousasi également, mais on imagine qu'il y avait des combats à préparer. C'est pour ça qu'on les a pas vus là. Mais ce serait intéressant de voir vraiment les meilleurs au monde dans une discipline un peu plus différente du MMA, mais quand même. Ce serait intéressant de voir ce que Fedor aurait pu faire face à Braulio Estima, peut-être, ou à Fabricio Werdum en grappling. Puis, quelques mois après, peut-être le voir ce que ça donne en MMA. On est persuadé que ce serait peut-être des résultats différents. Pour ce qui est de Maya, je pense que c'est sa blessure à une suspension médicale suite au combat contre Mark Ward qui l'a empêché de participer cette année. Oui, ah ben, on peut le comprendre. Pour ceux qui ont vu le combat, c'est assez clair que Damien Maia d'avoir un petit mal de crâne. Mais j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien Damien Maia. C'est un de mes préférés au sol. Puis j'ai hâte de le revoir en action. C'est sûr que là, il a tenté. Il a tout donné dans son coup de pied. Puis bon, le poing de Mark Ward était arrivé quelques secondes avant à sa jambe. Mais j'ai hâte de le voir revenir de ça, puis améliorer son jeu debout peut-être. Et moi, je suis persuadé qu'on va revoir Damien Maia encore une fois parmi les meilleurs de sa division. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup Maia, puis j'aime beaucoup Mark Ward. Quand c'était le temps du combat, j'étais déchiré, je savais pas vraiment pour qui prendre. Et les deux sont des combattants que j'aime parce qu'ils sont très humbles, honnêtes, la façon qu'ils parlent. Moi, j'étais un très grand amateur d'écouter ce que ces gars-là ont à dire. Et que ce soit Maia ou Mark Ward, les deux se présentent super bien. Puis je pense que Maia va revenir un meilleur combattant avec cette expérience-là. Oui, puis pour ceux qui n'aimaient pas Mark Ward, je pense qu'on s'est ravisé parce que Mark Ward a démontré beaucoup de respect. Parce qu'après lui asséné un superbe coup de poing à la mâchoire, il aurait pu lui sauter dessus au sol, mais il a vu que Maia était vraiment plus là. L'arbitre a allumé quelques secondes un peu plus tard, mais Mark Ward n'en a pas profité, puis avait compris que ça servait à rien de lui distribuer d'autres coups de poing, et ça s'est fini comme ça. Alors, avant de conclure le bloc, j'ai les résultats à vous transmettre à propos du Fight Quest 9. C'est un événement amateur qui s'est déroulé hier, c'est-à-dire le samedi 3 octobre à Laval, au Scratch de Laval. Je ne vais pas vous donner les résultats nécessairement, juste pour vous dire que le combat principal qui était disputé entre Guillaume Vigneault, qui s'entraîne avec le clan de Firas Zabi, et anciennement, il s'entraînait au Nordic Fight Club, mais là, il a déménagé à Montréal. Il devait se battre face à Patrick Gosselin, si je ne me trompe pas de son prénom. Mais bon, Gosselin était absent puisque blessé, et à la toute dernière minute, c'est un jeune homme que je ne connais absolument pas. Première fois que je vois son nom, Robin Elou, qui, de ce que j'ai pu lire, là, Stéphane Vigneault me transmet que Robin Elou, c'est un gars qui s'entraîne un peu par lui-même avec plusieurs écoles différentes. Alors, il n'y a pas vraiment d'affiliation en particulier. Alors, c'est un combattant, on pourrait dire, indépendant, qui avait demandé à plusieurs reprises à Stéphane Vigneault de le placer peut-être sur une carte Et là, je dois vous dire, le Fight Quest, c'est une organisation de combat amateur, mais l'une des plus, je pense, crédibles au Québec. Et là, ben, on lui a donné sa chance, son premier combat, mais le gars a démontré beaucoup de courage quand même, ce Robin Elou-là, d'affronter Guillaume Vigneault. Guillaume Vigneault, qui est peut-être l'un des prochains combattants à faire le saut dans les professionnels, et on le dit, susceptible d'avoir beaucoup de succès. C'est un gars, en tous les cas, qui a beaucoup de potentiel. Et de ce que me dit Stéphane Vigneault, il est peut-être à un ou deux autres combats. S'il va chercher des gains, puis il va chercher des bonnes performances, bien d'avoir sa chance de combattre en MMA professionnel par la suite assez rapidement avec le clan de Firas Zabi derrière lui. Alors, on peut comprendre qu'il est bien entouré en plus de ça. Et c'est pas surprenant de voir que Guillaume Vigneault est allé chercher la victoire par KO, un coup de pied au corps. Il va chercher une victoire face à Robin Elou, qui a démontré beaucoup de courage quand même d'affronter un gars, Guillaume Vigneault, peut-être le meilleur là, amateur dans cette catégorie-là de poids au Québec en ce moment. Et ben, c'est ça. Alors, un bel événement, le Fight Quest, d'habitude. C'est peut-être, comme je vous le dis, l'une des organisations amateurs les plus crédibles. Là. Il y a le Fight Quest, le Nordic Fight Club avec le Ring Extreme également, font des événements très intéressants. Et il y avait 14 combats lors de la soirée d'hier. Et je suis persuadé que les gens ont eu beaucoup de plaisir à voir ces combattants-là se disputer la victoire. Et d'habitude, avec beaucoup de respect, il y avait beaucoup de gars de Firas Zabi qui étaient là également. Des gars qui s'entraînent également un peu ailleurs à travers la province. Ça conclut le bloc avec les résultats. On va se prendre un petit souffle et peut-être une petite gorgée de café pour Fred et pour moi, un jus de légumes aujourd'hui avec un céleri et pourquoi pas un peu de sel par-dessus. Et par la suite, on revient, on va vous parler de quelques autres sujets, des nouvelles, des potins, des rumeurs. Soyez-y, on aura du plaisir, ça c'est certain. Oui, en s'en allant, je veux juste dire un gros merci parce que le mois de septembre a encore été un record pour MMANouvelle.com. On a eu plus de 48 000 visites, alors on vous remercie. Continuez à peser sur F5 pour me faire plaisir. Oh, mais F5, explique-moi. F5, ça fait rafraîchir la page. Ça fait une page vue de plus à chaque fois. Ah, Fred, je te le dis, moi, je connais rien. Je connais vraiment rien. Je sais même pas comment je fais pour ouvrir mon ordinateur. J'y arrive et c'est comme un tour de magie pour moi. Puis, tu m'apprends les choses. Merci, Monsieur Garcia. Et c'est parti pour un deuxième bloc. Un deuxième bloc présenté par MMENouvelles.com pour tout savoir sur ce qui se passe dans les grosses organisations majeures. Eh bien, c'est un rendez-vous quotidien, je dirais, et peut-être même encore plus souvent. Et comme nous mentionne Fred, pourquoi pas toujours avoir cette page devant vous et puis appuyer sur F5 et le bonheur s'illuminera devant vous, tel une rose dans un jardin de fleurs. OK, là, c'est, je suis en train de me noyer. Alors, plein de nouvelles, des rumeurs, ça se bouge toujours dans ce monde merveilleux qu'est le MMA. Alors, on en discute avec Fred Garcia, l'homme nouvelle lui-même. Alors, Fred, de quoi qu'on parle? Ben, je pense qu'on va commencer avec une nouvelle un peu locale qui s'est passée il y a une couple de jours. On avait parlé la semaine passée de quelques Canadiens qui tenteraient leur chance dans la prochaine saison de l'Ultimate Fighter. Oui. Il semblerait qu'un vétéran québécois, David Loiseau aussi, irait tenter sa chance le 26 octobre prochain parmi les essais pour choisir les candidats à la prochaine saison. Là. Oh, David Loiseau, là, tant qu'à moi, c'est peut-être l'un des plus gros potentiel de combattants québécois. Et malheureusement, ben, il n'a pas toujours réussi à pouvoir réaliser ça dans une cage ou dans un ring. C'est un gars qui a une fiche de 18 victoires, 9 défaites, mais qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'outils. Son problème, peut-être, c'est la gestion du stress avant les combats, puis dans la cage également. Mais s'il est capable de régler ça, c'est un gars qui a tellement de talent qu'il peut être un adversaire redoutable dans sa catégorie qui est les 185 livres. Et on en a besoin dans l'UFC, des 185 livres. Et David Loiseau, je pense qu'il est un combattant avec beaucoup de potentiel et qui peut rivaliser avec à peu près tout le monde. Je ne sais pas s'il va être un champion un jour, mais pour moi personnellement, en tant qu'amateur, c'est pas toujours le plus important. David Loiseau est un combattant que j'aime regarder, il a un style excitant. Et aussi, je suis pas prêt à dire non plus qu'il n'y arrivera pas parce qu'il y a une excellente équipe autour de lui. Alors, il y a les outils. C'est aussi un gars qui semble très humble, très professionnel. Alors, je suis très content de le revoir, David Loiseau. Le plus de Québécois qu'on va voir dans l'UFC, le mieux que c'est pour le MMA ici, ça va le populariser encore plus haut. Et si jamais, justement, on va le voir 13 semaines de suite à Spike TV, ça serait intéressant de voir les codes d'écoute au Québec, comment que ça serait, voir si les amateurs suivent cela. Ouais, ben malheureusement, je vais te dire, d'après moi, ça n'aurait aucune incidence sur les codes d'écoute. Là. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Québécois qui ont Spike TV nécessairement. Patrick Côté a déjà été dans l'une des éditions avec Matt Serra, entre autres, où les coachs étaient Matthews et je sais pas qui était l'autre coach. Dans tous les cas, Patrick Franklin. Côté, quoi? C'était Rich Franklin, il me semble. Oui. Oui, c'était avant qu'ils s'affrontent un contre l'autre. Genre, dans ce temps-là, les coachs s'affrontaient pas automatiquement. Il y avait eu une saison que c'était Matthews et Rich Franklin, les entraîneurs. OK, ouais, ben c'est fort possible. Puis, ben, en tous les cas, ben, tout ça posé, Patrick Côté, c'est un Québécois, puis il a déjà été dans l'une des éditions des Ultimate Fighter. D'ailleurs, il avait très bien fait. Si je ne me trompe pas, il était presque rendu en finale, mais il avait été défait par Travis Lauter, justement. Et bon, ben, souhaitons toute la meilleure des chances à David Loiseau. Et c'est un gars qui peut avoir beaucoup de succès, ça. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Son dernier combat, ben, ça n'avait pas été très excitant, apparemment. C'était au Centre Bell, UFC 97, il affrontait Ederman et il a passé, je pense, une bonne partie du combat sur le dos, David Loiseau. C'est un gars qui n'abandonne pas habituellement quand même, qui a très solide debout, qui se défend très bien au sol également. Alors, si lui, vraiment, je pense que s'il est capable de gérer le stress d'un combat comme il se doit, comme peut-être les d'autres combattants le font, là, qui sont parmi l'élite, bien, lui aussi, David, c'est le genre de gars qui peut aller les rejoindre. Ça, moi, dans ma tête à moi, j'ai pas de doute là-dessus. Je me rappelle de ses combats face à Charles McCarthy dans le UFC. Superbe coup de pied retourné, puis c'était fini. McCarthy n'avait pas été capable de se relever de ce coup de pied retourné-là. Mais justement, c'est ce que j'ai pas aimé de son dernier combat contre Ederman. Dans le premier puis deuxième round, il a commencé le round tout de suite avec un coup de pied du genre. Et à chaque fois, il s'est fait avoir. Et c'est beau à voir, mais je ne sais pas si c'est très efficace dans le MMA. Je pense qu'il y a beaucoup plus de danger à tenter un tel coup de pied que de gain potentiel. Alors, moi, j'avais été un peu déçu qu'il avait tenté ça dans les deux premiers rounds, je me rappelle. Ben c'est sûr que c'est une manœuvre risquée, mais je pense que c'est ce genre de manœuvre qui peut être très utile à un combattant. Georges l'utilise à quelques reprises, mais Georges, peut-être ce qui fait qu'il est le meilleur probablement de sa division, ça c'est certain, mais l'un des meilleurs livre pour livre au monde, c'est le timing. Même en lutte ou avec n'importe quel, même en poing et en pied. C'est son timing, c'est-à-dire qu'il y a des outils que tu peux utiliser à certains moments, mais faut pas que ton adversaire les voie venir. C'est ce qui fait la grande force de Georges St-Pierre en lutte notamment, mais dans Ville-Oiseau également. Peut-être, évidemment, c'est le genre de manœuvre risquée que tu dois utiliser quand même dans certaines circonstances, et il faut absolument pas que que ça puisse être anticipé de la part de ton adversaire. Sinon, ben, effectivement, là, tu peux te mettre en danger, mais dans certaines circonstances, c'est le genre de manœuvre également qui peut être très avantageux. Je me souviens également d'un autre Québécois, Yves Jabouin, qui avait utilisé ce genre de coup de pied-là dans je pense, c'est son dernier combat dans l'organisation HMMA et il avait réussi la victoire grâce à ce coup de pied-là également. Alors, ça, c'est pour David Loiseau. Souhaitons que ça se passe bien pour lui, qu'il puisse faire les essais comme ça semble être le cas, qu'il puisse, je pense que s'il fait les essais, j'ai aucun doute pour lui. En tout cas, il y a l'avantage dans ma tête, en tous les cas, sur Brent Beauparlant, puis l'autre Canadien Grand qu'on a maison. Grand ouais, maison. Grand Maison, effectivement. Et Kajan Johnson également. Mais lui, Kajan Johnson, ça doit être à 170 livres. Je pense que c'est ça, hein, au TOF 11, ce sera 170 et 185 livres. Kajan Johnson, c'est d'habitude Je ne sais pas 150. encore parce que au début on disait que c'était 5 ounces of pain avait dit 170 et 185, mais j'ai entendu dire que ça se pouvait qu'il continue le format avec juste une catégorie. Alors, il va falloir attendre pour confirmer c'est quoi la catégorie exactement. Mais je suis pas mal sûr que 185 devrait être là, puis peut-être 170 aussi. Sinon, un gars comme Cajun Johnson n'aura pas le choix peut-être de tenter sa chance plus haut. Diego Sanchez puis Kenny Florian l'ont tenté à 185, alors on n'a pas le Non, mais choix des fois. Effectivement, sauf que Kaljan qui combat plus à 155, à 185, là, d'après moi, le pauvre Kaljan, Non, mais s'il est impressionnant, il peut se mériter un contrat par après. Parce que justement, Kenny Florian n'avait pas gagné, et d'autres gars aussi n'ont pas gagné, puis ils ont quand même mérité des contrats. Et justement, ils sont descendus de catégorie de poids. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y en a plusieurs Oui, quand non, mais tu as tout même. à fait raison. Rachel Evans est un poids lourd également. Exactement. Effectivement. Puis tu parles de Kenny Florian, à cette époque-là, même descendu, je pense, au moins une catégorie de poids. Il est rendu à 155. Je suis pas sûr si c'était pas à 185 à ce moment-là. Oui, Donc. c'est lui puis Diego Sanchez, la première saison, c'était à 185. Il était avec Nate Quarry, justement, Oui. dans la même catégorie. Puis je me rappelle, Forrest Griffin, lui, était à 205. C'était 205 puis 185, les catégories. Ah, effectivement, c'est vrai. Puis la finale dans les 185, c'était Diego face à Kenny Florian. Et Florian avait reçu une sévère correction. J'espère, et peut-être qu'on verra ça, là, une revanche entre les deux pour le titre, si Diego est capable d'aller chercher la victoire et ravir le titre des 155 livres de BJ Penn. Mais ça, on en reparlera parce qu'on n'est pas certain qu'il puisse aller chercher cette victoire-là. Oui, mais vu que tu parles de Diego Sanchez, tu vois, on avait un sondage cette semaine sur MMA Nouvelle, et moi j'ai été extrêmement surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui attendent avec intérêt le combat entre BJ Penn et Diego Sanchez. Moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent, excellent combat. Parmi les quatre championnats UFC à venir, c'est celui que, dans le sondage, a eu le moins de votes. Ça m'a beaucoup étonné, moi, personnellement. Eh, mais parlons-en de ce sondage-là. Ce sera pas long, là. Je vais aller chercher les résultats. Je sais que le combat qui intéresse le plus les gens, et je dois dire que moi aussi, parce que c'est mon préféré, Lyoto Machida intéresse beaucoup les gens. Son affrontement face à l'autre Brésilien, Mauricio Shogun Rua, et moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on voit, c'est 63% des lecteurs d'MMAnouvelles.com qui favorisent, ben, qui ont plus hâte de voir le combat entre Machida et Rua. Et dans le cas de BJ Penn et Diego Sanchez, on tombe à 5%. Alors, effectivement, ça semble intéresser peu de gens. Et Lesnar Carwind est en ex aequo en deuxième position avec l'affrontement entre Silva et Belfort. Et ben, vas-y, Fred, toi, c'est des place-les en ordre, là, 1, 2, 3, 4, lequel t'intéresse le plus à l'instant où on se parle? Bon, ben, moi, je pense que je vais me faire quelques ennemis au Québec parce que je suis vraiment un grand amateur de BJ Penn. Alors moi, je vais regarder ce combat-là. J'ai hâte que ça arrive. J'aime beaucoup le combat Machida et Roy. Puis ce que j'aime beaucoup de ce combat-là, surtout, c'est les commentaires sur mon site. Si le monde va voir à chaque fois qu'il y a une histoire sur Machida ou Roy, ça attire les émotions des deux côtés. Il y en a qui aiment Roy, il y en a qui pensent que ça n'a pas été impressionnant ces dernières années. Alors ces deux combats-là, je dirais que c'est mes deux préférés. C'est ça. Deux excellents combattants qui performent surtout debout. C'est là où ils aiment jouer habituellement. Et c'est deux styles complètement différents. C'est ça qui va être intéressant de voir comment ça va se développer, tout ça. Roy, très bon debout, mais lorsque il y a un compétiteur qui rivalise avec lui debout, peut-être qu'il va essayer d'amener le combat au sol. Il l'avait fait, je pense, face au Français Cyril Diabaté, alors que lui aussi, je pense, était excellent debout. Puis Roy avait peut-être vu que ses chances étaient supérieures au sol. Puis au sol, bon, évidemment, c'était un peu plus facile pour lui. Est-ce que ça va être sa stratégie qu'il va privilégier dans son affrontement face à Machida? Moi aussi, ça m'intéresse. Et moi aussi, je place, en tout cas, dans mon cas, je place ça en première position. Par la suite, les autres, ex aequo, tout ça m'intéresse, mais évidemment, en première position, moi, j'ai hâte de voir Machida à l'œuvre. Oui, le combat poids lourd à venir aussi est intéressant, mais c'est juste que Carwin est un peu jeune. On n'a pas beaucoup de... Carwin, je pense qu'il était en 32. Ben, non, oui, je veux dire jeune par rapport au nombre de combats qu'on a vu de lui. On le connaît pas assez. Alors, il n'y a pas une très grosse génération d'excitement autour, là. Ouais. C'est ça, il n'y a pas une grosse notoriété comme Lesnar. Lesnar qui a encore moins d'expérience que lui en MMA, mais on le connaît parce que, bon, c'est une superstar dans l'univers de la lutte, divertissement. Il a eu beaucoup de succès en lutte au niveau collégial également. Grosse réputation. Mais moi, ce combat-là, d'après moi, ça peut se régler en 30 secondes. Je ne sais pas qui va l'emporter, mais moi, je suis à peu près convaincu que ça ne dépassera pas le premier round. Oui, non, moi non plus, parce que justement... Carwin est très fort. Les deux sont très forts. À moins que ça devienne un combat de lutte juste à contrôle de position, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup d'offensive, là, que le gars sur le top, il se contente de retenir son opposant. C'est peut-être la seule façon que je vois ça, que ça va durer un peu plus longtemps. Mais justement, avec la force des deux, je vois qu'il y en a un des deux qui devrait tomber à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis je pense techniquement, la lutte de Lesnar est probablement supérieure à Carwin, puis Lesnar étant un peu plus gros que Carwin. Alors, si Carwin va chercher la victoire, c'est qu'il aura sacré une droite direct en partant. J'ai hâte de voir quand même ce combat-là. Tout ça m'intéresse, mais Machida, ça, c'est en premier plan. Puis par la suite, peut-être l'affrontement Silva face à Belfort. Encore une fois, on tombe avec deux autres Brésiliens et j'ai hâte d'avoir un peu plus d'opposition dans le cas d'Anderson Silva. Et Belfort a une bonne boxe. D'après moi, il y a une meilleure force de frappe de Silva. Bon, peut-être pas le timing de Silva, mais en termes de puissance dans les mains, je pense que Belfort a encore plus de puissance, se déplace moins bien que Silva. Mais ça peut être dangereux pour Anderson Silva. J'ai également hâte de voir ce combat-là. BJ Penn face à Diego Sanchez. J'ai hâte de voir ça parce que Sanchez, je pense, debout, là, il s'est grandement amélioré. Au sol, BJ Penn est supérieur à Sanchez, malgré que Sanchez, quand même, n'est pas mauvais au sol. Ça va être un combat qui peut être intéressant puis offrir plus d'opposition que Kenny Florian a servi à BJ Penn. Moi, je pense surtout que la promotion autour de ce combat-là risque d'être vraiment excellente. Diego Sanchez est un gars bizarre, que j'aime dire, mais il me fait rire. Et moi, j'aime beaucoup BJ Penn. Les deux ont des grandes gueules, pour le dire. Alors, ça devrait, une fois qu'ils vont commencer là, à intensifier la promotion, là, on devrait avoir droit à beaucoup d'échanges verbaux, je pense, au début, en avant-combat. Ah, ben, ça va être un autre combat intéressant. Alors, tout ça, c'est dans les prochains mois. Le UFC nous propose maintenant, à chaque mois, des combats très excitants. J'ai également hâte de voir le combat de Fedor Emelianenko, parce que malheureusement, Fedor, on ne le voit pas souvent en action, mais à chaque fois, je pense que c'est un privilège de pouvoir voir un combat de Fedor. Et là, face à Brett Rogers, Rogers n'a vraiment rien à perdre. Et dans le cas de Fedor, lui, il doit absolument aller chercher la victoire. Sinon, ça va être une grande déception dans son corps. Et là, vu qu'on parle des combats à venir, j'aimerais prendre 2 secondes pour parler d'un projet que je travaille depuis à peu près une couple de semaines. Je suis en train de bâtir un petit jeu, parce que moi, mon vrai background, si on veut, c'est en programmation en langage Internet, là, différents langages. Et je suis en train de bâtir un programme pour faire un petit jeu de prédiction, si on veut, par rapport au gala à venir. Et j'aurais aimé ça l'avoir fini là, pour le gala Dream qui s'en vient dans 2 jours. Je ne sais pas s'il va être là. Sinon, il va être prêt pour le gala WSC 43 pour sûr. Et j'invite tous les amateurs à venir participer. Pour le moment, il n'y aura pas de prix à gagner, mais si jamais il y a des sponsors qui se rajoutent ou de quoi, on pourra bien mettre quelques petits prix pour ceux qui remportent ce concours de prédictions-là. Oui, j'ai hâte de voir ça, Fred, puis je vais pouvoir voir si ma nouvelle voyante Gisèle va porter fruit, parce que maintenant, quand même, je me suis bâti une solide équipe avec Gisèle qui va pouvoir m'aider à mes prédictions, puis on va jouer le jeu, on va voir tes prédictions, les miennes, celles des auditeurs et des lecteurs de mmenouvelle.com, et puis lorsque tout ça va être mis sur pied, bien, on va s'amuser avec ça à peu près à chaque semaine pour voir ce qui l'aura apporté dans ses prédictions. C'est un jeu tout le temps plaisant et on fait ça de manière modeste. Et vous le savez de toutes les manières que je vais toutes vous battre. C'est bon ça, c'est bon. Bon, ben si on pensait peut-être à Wanderlei Silva, qui y a des rumeurs d'un combat contre Akiyama. Qu'est-ce que ça te dit ça comme combat? Et ça m'intéresse, Fred. On sait que Wanderlei Silva était prévu pour affronter Michael Bisping, mais c'est bon, Silva a eu une opération, alors on ne verra pas cet affrontement-là. Bisping va plutôt être confronté au Canadien Kang. Et là, Wanderlei Silva face à Akiyama. Moi, ça m'intéresse parce que, bon, Wanderlei Silva a déjà défait un des Japonais légendaires, Sakuraba. Et Akiyama, c'est un japonais-coréen là, qui est également très adulé, je pense, au Japon notamment. Alors, Wanderlei va pouvoir peut-être en expédier un autre dans son patelin. Voyons voir comment ça va se dérouler tout ça. Wanderlei, avec un nouveau visage, va-t-il être en mesure également de redonner un nouvel élan à sa carrière? C'est un gars quand même, il n'est pas si âgé que ça. Wanderlei Silva a 32-33 ans, il m'a livré tellement de guerre dans sa carrière. Je pense qu'un moment de répit, ça va peut-être lui faire du bien. Face à Akiyama, bon, Akiyama, je pense évidemment debout, n'a pas beaucoup de chance face à Wanderlei Silva. Au sol, bon, Akiyama, honnêtement, je pense que Wanderlei va aller chercher la victoire, moi, assez facilement. Oui, c'est moi aussi, parce que premièrement, il y a une très grosse différence de poids, je pense, entre les deux. Mais tu parles d'Akiyama. Moi, j'aime beaucoup Akiyama et j'invite tout le monde à aller sur mmanouvelle.com. Et en haut à gauche, vous pouvez faire une recherche sur son nom. Il y a, juste avant l'UFC 100, j'avais écrit un assez long texte sur pas mal toute sa carrière, que personnellement, c'est un de mes préférés, parce que Akiyama a une des histoires les plus intéressantes. Tu disais qu'au Japon, il était adulé. Je sais pas si c'est le mot exact. C'est le mal-aimé, si on veut, de la foule. Parce que Akiyama a été accusé d'avoir triché souvent au Japon. C'est Sakuraba, entre autres, puis en judo également, je pense. Exactement. Et il y a aussi l'aspect, si on veut, culturel. Comme tu as mentionné, le fait qu'il est un japonais-coréen, si on veut. Je ne suis pas de là-bas, je pourrais pas te vous expliquer, mais je sais qu'il y a des distinctions à faire. Peut-être toi, tu connais un peu plus, ou je sais pas. Mais c'est ça, justement. C'est une histoire intéressante à voir. Son temps, quand il a combattu dans Dream, et il me semble qu'il a aussi fait un peu à Pride FC vers la fin, il se faisait huer là, comme à n'en plus finir, et c'est étonnant pour les amateurs du coin qui sont très respectueux. Mais en même temps, il est devenu une star en se faisant huer. il n'est pas devenu non plus comme haï. Il est devenu, si on veut, le mal-aimé de la foule. Celui qu'on le aimait Rocky, huer. Rocky IV. Exactement. Tout s'explique dans la vie avec Rocky IV, Fred. Ouais, c'est ça. Mais comme je dis, c'est une très belle histoire, très intéressante. Et moi, j'aime beaucoup Akiyama. Le problème, c'est qu'Akiyama, moi, je le trouve très petit à 185 livres. Son dernier combat, il avait de l'air beaucoup plus petit que... j'ai oublié son nom. C'était à l'UFC 100. Belcher, Alan Belcher. Exactement. Et Wanderlei Silva, lui, c'est un 205 livres. Alors, ouais. Il va descendre à 185 livres. La soirée du combat, Silva va être facilement beaucoup plus haut que 185 livres. Et Akiyama, lui, est jamais beaucoup plus haut que 185 livres. Ça m'étonnerait qu'il dépasse les 190. Alors, moi, je vois une très grosse différence de poids. Et aussi, que ça soit debout ou au sol, je pense que Silva a plus d'habileté. Son jiu-jitsu à Silva, on le voit jamais, mais il est excellent. Et debout, Akiyama a un style intéressant, il aime ça échanger, mais Silva a un style plus dangereux. Oui, c'est ça. Puis je pense pas qu'on va être en mesure de soumettre Wanderlei Silva un jour. Là, j'ai pas sa fiche devant moi, mais je suis à peu près convaincu qu'il a jamais tapé de sa vie. Là. D'après moi, Akiyama pourrait partir avec son bras, mais Silva va continuer coup pour coup, même un bras en moins. Oui, ben ça. Peut-être, tu le sais, d'habitude, t'es bon dans cet aspect-là. Avec qui il entraîne son jiu-jitsu, Wanderlei Silva, parce que je sais qu'il est très bon en jiu-jitsu, il le mentionne souvent, c'est juste qu'on le voit jamais. J'ai trouvé, à chaque fois qu'on l'a vu au sol, Wanderlei, moi, il m'a... Effectivement, apparemment, c'est une ceinture noire, je pense, mais je sais pas. Je sais que Damien Maia s'entraîne maintenant avec le clan de Wanderlei Silva. Là. On peut s'imaginer que Wanderlei a pas sûrement pratiqué quelques trucs avec lui, parce que, bon, Damien Maia a besoin un peu d'ajouter à son debout, mais Wanderlei, s'il a pu échanger avec Damien Maia au sol, mais ça ne peut que lui être bénéfique. Wanderlei, ben, faut savoir que lui, sa carrière a commencé avec la chute boxe. À ce moment-là, il y avait les frères Roua, Anderson Silva, Pelé, d'excellents combattants, tout agressifs, mais surtout debout. Son jeu au sol, je pourrais pas te dire nécessairement là, comment ça s'est déroulé pour lui, puis avec qui il s'est vraiment entraîné, mais je pense que sa force est vraiment debout. Puis au sol, j'imagine. Si Akiyama parvient à l'amener au sol, ben, il va se débrouiller. Puis, de toutes les manières, il ne trappera jamais. J'ai aucun doute dans ma tête. Là. Wanderlei, c'était. Quand on parle d'un véritable guerrier, ben, c'est Wanderlei Silva. Lui, il n'a pas peur. Même à 205 livres, j'ai toujours trouvé petit. Je sais qu'il a une grosse musculature, mais c'est un petit homme quand même. On l'a vu face à Chuck Liddell, puis les autres vrais 205 livres du UFC. Il avait l'air petit. 185, moi, peut-être qu'il est plus à l'aise à 195 parce que j'ai jamais eu l'habitude de couper à 185. Mais s'il est capable de faire ça proprement, ça peut être un gars qui peut faire encore de belles choses puis donner un dernier élan pour compléter une carrière qui est déjà excellente. Moi, j'aime beaucoup Wanderlei Silva. Ce que j'aime le plus de lui, c'est sa position. J'adore comment qu'il a toujours les épaules en remontée et la tête comme rentrée dedans. Je sais pas si tu as déjà remarqué un peu comment il place ses mains. C'est unique un peu dans son style. Et c'est très beau à voir, je trouve, comment il bouge dans le ring. Oui. Alors, Quinton Jackson a sûrement apprécié ça dans son troisième duel face à lui. Il en a profité. Wanderlei, c'est un malade. Hein? Lui, il va à guerre et ce sera pour coup. Tout ce qu'on sait avec lui, c'est qu'il y en a un qui va probablement tomber là, dans un combat. Et malheureusement pour lui, dernièrement, c'était plus souvent lui. Mais j'ai hâte de le revoir. Là. Ça fait un petit bout. Peut-être qu'il aura été en mesure d'avoir un autre regain d'énergie. C'est un gars qu'on, même s'il perd, il donne tout un spectacle. Ça, c'est certain dans son cas. Et il y a une école maintenant à Las Vegas. Avec plusieurs gars qui s'entraînent avec lui. Je pense que Wanderlei, si vraiment ce combat-là là, se fait entre lui et Akiyama, bien là, enfin, il y aura peut-être un adversaire qui va pouvoir être un peu plus facile, je pense, pour Wanderlei, parce qu'il n'a pas eu facile dernièrement, il a eu tout le temps des combats très difficiles. Un petit combat face à Akiyama, Et peut-être qu'on va le revoir en action dans 185 livres, dans des combats. Après ça, peut-être encore plus important. Je sais qu'il y a peut-être des rivalités assez naturelles avec Vitor Belfort. Ils se sont affrontés à une reprise. C'était dans le UFC, mais ça fait plusieurs années. Belfort avait été chercher une victoire. Wanderlei s'est entraîné longtemps avec Anderson Silva. Mais je suis pas sûr qu'il n'aimerait pas s'affronter. Mais surtout dans le cas de Wanderlei, aimerait peut-être se frotter à Anderson Silva. Il peut offrir quand même des combats très intéressants dans la catégorie des 185 livres. Oui, c'est sûr. Puis je vais te faire plaisir, je vais nous aider à passer au prochain sujet en disant Wanderlei Silva, ça doit être pas mal sûr qu'il est un Hall of Famer, qui va être dans le temple de la renommée du MMA virtuel qu'on est en train de se bâtir. Oui, ben c'est ça, là. Pour les gens qui ont écouté la dernière émission, Fred nous a parlé de ça. Je me souviens plus vraiment de quel. Ah, mais il nous disait que c'était un peu dommage qu'il n'y avait pas de temple de la renommée officielle du MMA. Il y en a un du UFC. Et là, on s'est mis ça dans la tête. Puis dans les prochaines semaines, prochains mois, on va essayer de se bâtir ça, un temple de la renommée. Alors, on va vous demander votre aide. Moi, j'ai déjà quelques noms en tête. Wanderlei Silva, que Fred mentionne à l'instant, ben, pour moi, c'est une évidence. Il a eu tellement de succès au Pride, au Japon. Puis, quand on parle d'un guerrier, le gars est allé à la guerre dans chacun de ses combats. C'est pas le genre à prendre une soirée relax, là. C'est pas un Alex Kovalev. Non, C'est c'est un gars qui. le Mark Messier du MMA. Oui, c'est ça, avec peut-être un peu moins de jugement. C'est-à-dire que Marc Messier, quand même, c'est un gars qui avait du cœur à l'ouvrage, tout ça, mais il y avait quand même une stratégie lorsqu'il jouait pour les Européens, vous ne le connaissez peut-être pas, là, mais c'est un grand joueur de hockey, agressif, tout ça, mais c'est un gars quand même, je pense, qui analysait la game de manière un peu mieux planifiée, alors que Wanderlei, tu sais. Il y a peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne dans son cas, peut-être qu'il y a une stratégie de planifier dans ses combats, mais ce qui est sûr, c'est que rendu dans la cage là ou dans un ring, il s'en fout, puis lui, c'est coup pour coup. J'ai d'autres noms en tête. Pour moi, ben, il va de soi. Il y a le japonais Kazushi Sakuraba pour moi. Rickson Gracie doit y être. Pas parce que nécessairement il y a une fiche remarquable en MMA. Je pense qu'il y a 11-0 sa fiche officielle. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais c'est pour tout ce qu'il a fait pour le MMA. Puis bon, Rickson, de l'avis d'à peu près les meilleurs pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien, c'est probablement le meilleur de sa génération en Jiu-Jitsu. J'ai des noms là, bon, assez rapidement, puis Mark Kerr, je sais qu'il a eu beaucoup de succès en début de carrière, puis maintenant, bon, c'est rendu lamentable, puis le gars a eu quelques problèmes de santé, quelques problèmes avec d'utilisation de drogue, entre autres, mais il a eu beaucoup de succès en début de carrière. C'est un nom que je mets là, mais ça ne veut pas dire nécessairement que je le mettrai au temple de renommée. Je pense que c'est un Ukrainien, Igor Vanchanchkin, qui a eu beaucoup de succès au Pride également. Mark Coleman, qui a été le premier champion, tout pas confondu, du Pride avant l'arrivée de Fedor, puis qui a été champion, je pense, dans le UFC également. Mark Coleman, qui est dans le temple de renommée du UFC. Royce Gracie, parce que c'est lui qui a fait connaître le Jiu-Jitsu brésilien, je pense aux Américains, avec les premières éditions du UFC, où il a remporté des victoires souvent spectaculaires et par soumission. Ken Shamrock, moi, que j'aime pas particulièrement. Bon, il faut quand même admettre qu'il a apporté des choses. Moi, tu vois, justement, tu parles de Shamrock, j'allais en parler. Je pense que, regarde, je suis pas un amateur d'aucun des deux Shamrock, mais si je dirais lequel des deux a eu le plus d'impact, selon moi, c'est Frank. Ken Shamrock n'a jamais rien fait. Il est arrivé dans un temps où, premièrement, Gracie dominait. Et deuxièmement, quand il y a eu un peu de succès, genre, quand le MMA a connu une descente, parce que c'est arrivé avec beaucoup d'attention au début. Il disait le combat sans règlement, etc. Et vers les UFC 7, 8, la popularité a descendu. Et la qualité des combattants, selon moi, était au plus bas niveau que dans l'histoire du UFC à ce moment-là. Et par la suite, il y a eu une certaine remontée. Et Frank Shamrock est arrivé. Dans ses premières années, Frank Shamrock était excellent, selon moi. Je pense pas que c'est un gars qui devrait être dans le temple de la renommée qu'on se fait. Mais si j'aurais cho à choisir un des deux Shamrock, ça serait Frank, qui a eu un plus gros impact, selon moi, que Ken. Parfait, ben c'est ça. Je soumets des noms, puis j'invite les gens peut-être à nous écrire ça, soit dans les commentaires ou par courriel à radio à commercial mmnouvelle.com. Ce serait intéressant. Vous nous transmettez des nouveaux noms ou vous nous donnez des commentaires sur les noms que j'ai mentionnés là. Vous nous dites non, Ken Shamrock, c'est le gars que je dis peut-être le plus de stéroïdes dans l'univers là. Il a passé de 230-40 livres à 185. C'est pas un bon combattant. Puis je suis un peu ton avis là. Moi, c'est l'un des gars. Bon, au niveau personnage là que j'apprécie pas en plus. Puis j'ai pas l'impression que c'est nécessairement que s'il avait entamé sa carrière en MMA dans nos jours, qu'il aurait vraiment pu avoir une incidence sur le sport. Mais bon, à l'époque où il a commencé, bon, faut, je pense, admettre qu'il a marqué le sport. Est-ce que sa place au temple de la renommée? Bien, je pense que ce sera au comité qu'on va se former à en décider. Puis moi, j'ai mis le nom comme ça, puis honnêtement, je suis pas prêt à le mettre dans le temple de renommée non plus. Bon, j'ai inscrit Vitor Belfort, mais il est encore tout jeune. Je l'ai marqué là parce qu'il a eu beaucoup de succès, peut-être un des plus jeunes à avoir beaucoup de succès lorsqu'il a commencé. Ce gars-là, je pense, il a même 32 ans, je pense, aujourd'hui. Mais il a débuté il y a déjà tellement d'années, puis il a affronté les meilleurs, il a eu beaucoup de succès, il a eu des hauts et des bas. Je l'ai inscrit là, mais je pense qu'il est encore un peu trop jeune pour être dans le temple de la renommée. Je vais te donner, moi, un vieux nom que tu n'as pas encore mentionné. On l'appelait Tom Selleck, là, mais son vrai nom, c'est Don Fry. Moi, dans les premières années, j'ai beaucoup aimé Don Fry. Je sais qu'aujourd'hui, il est vieux et pas important, mais dans mes premières années que je regardais l'UFC, je me rappelle bien que j'aimais beaucoup Don Fry. OK, ben je le rajoute dans la liste, puis ça sera aux gens d'en décider, puis on Et se fait un petit comité comme ça. si on a une section pour les vieux, on devrait mettre Joe Sun juste pour avoir encaissé les coups qu'il a encaissés contre Keith Hackney. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était les coups directement entre les jambes. Non. Mais dans le cas de Don Fry, là, justement, tu te souviens peut-être de l'affrontement qu'il a eu au Pride face à Ken Shamrock? Oui. C'est terminé en clé de jambe, là, les deux en même temps. C'était un combat assez spectaculaire quand même. Il y Ouais. avait une animosité là, dans les deux camps. Encore au niveau des Japonais, j'ai inscrit là encore son nom. Ça ne veut pas nécessairement dire que moi je le placerai au temple de la renommée, mais il s'agit de Kazuyuki Fujita. C'est un lutteur japonais qui a eu du succès plus ou moins, mais qui a quand même offert, entre autres, de l'opposition dans son combat face à Fyodor Emelianenko. Je place évidemment Antonio Rodrigo Nogueira. Dans ma tête à moi, c'est certain qu'il a sa place là. Le poids lourd du UFC, là, je ne parle pas de son frère un peu moins lourd, de son frère jumeau, mais le poids lourd qui est présentement dans le UFC, qui a eu beaucoup de succès au Pride également. Dans les Gracie, j'ai placé Renzo Gracie, même si, bon, dans les dernières années, ça a été un peu moins spectaculaire dans son cas. Mais c'est un gros nom et c'est peut-être deux niveaux au temple de la renommée. Il y aurait peut-être les combattants et les coachs également. J'ai placé Yuki Nakai également. C'est le gars que je vous ai rencontré la semaine passée, là, qui entraîne entre autres Shinya Aoki, qui a perdu l'usage d'un œil dans un combat de MMA, qui est un Japonais qui, après son combat face à Rayton Gracie, bien, a redonné un nouvel élan à sa vie, puis bon, est embarqué dans le jiu-jitsu brésilien, puis qui a formé Shinya Aoki maintenant. Randy Couture, bon, je pense qu'il a sa place. Je suis pas certain si Fred est d'accord avec moi. Il a sa place simplement à cause des championnats qu'il a remportés. Moi, regarde, j'ai beaucoup de respect pour Randy Couture parce que à 46 ans, c'est tout un athlète. J'ai extrêmement, extrêmement, extrêmement de respect pour l'homme. C'est aussi quelqu'un de très intéressant à écouter. Le problème, c'est que je suis pas très impressionné par qui l'a battu. À part son combat contre Gonzaga, qui me vient en tête, ses autres victoires, Tim Sylvia, pour moi, c'était dans un temps où ce que premièrement tous les meilleurs poids lourds étaient dans le Pride FC à ce moment-là. Alors, c'est pas une victoire très impressionnante. Et à part de ça, Vitor Belfort, c'était dans les mauvaises années de Vitor. Oh, mais il l'a battu quand même à deux reprises. Ouais. Une différence d'années quand même assez longtemps, là. Je sais que Vitor a eu des creux de vague. Mais Randy l'a battu à deux reprises. Je sais qu'il a perdu un affrontement, mais c'était vraiment pas une vraie défaite, là, tant qu'à moi. Il a battu Chuck Liddell également, Randy Couture. Oui, c'est ça, je dis, avec la liste de championnats qu'il y a, il mérite sa place, c'est officiel. Moi, je pense juste peut-être qu'on a romancé un peu son histoire, ce qui l'a aidé. Et ça arrive avec beaucoup de gars, il est pas le seul. Alors moi, j'aime bien Randy Couture, honnêtement, Fred, et on va se battre pour le placer dans le temple, là. Ah, c'est bon. Ben, comme je dis, non, il a sa place, ça, c'est deux fois mi-lourd et trois fois champion lourd, c'est ça, je pense? Je pense qu'il a été 6 fois au total, si Six je me fois au trompe pas, total. avec des titres intérimaires aussi, Ça là. se peut bien. C'est ça, je dis, avec les championnats qu'il y a eu, c'est officiel. C'est juste qu'il y a toujours eu le championnat tout de suite. Rashad Evans en a parlé un petit peu, justement, dans une entrevue que j'ai postée hier sur le site. Et il disait justement que il a refusé un combat contre Randy Couture parce que si pour lui, il voyait pas beaucoup de gains à affronter Randy Couture parce que Couture est dans une période de sa carrière où ce que on sait pas s'il est encore important. Alors si Rashad bat Randy, le monde aurait dit il était supposé de le battre. Et si Rashad perd, ça aurait été une surprise. Et c'est ça souvent avec Randy, on l'a tout de suite placé haut et il a su en profiter. Alors c'est pour ça que je dis qu'il mérite sa place, c'est officiel. Je ne sais pas si je serais prêt à le mettre genre dans mon top 10 des meilleurs de tous les temps. Oh, Chuck Liddell, bon, moi je suis pas sûr qu'il a sa place nécessairement au Temple de la Renommée, mais j'ai inscrit son nom parce que je suis convaincu qu'il y en a certains qui pensent qu'il a sa place. Fedor Emelianenko, bah, là, ça, je pense que t'sais, on n'a pas à s'interroger longtemps là-dessus. Dan Severn, bon, moi j'ai pas vraiment vu Dan Severn à son apogée, là, mais je sais qu'il est au Temple de la Renommée du UFC. Je ne sais pas s'il a sa place. Peut-être que les gens qui ont un peu plus vu Severn dans ses bons moments auront une autre opinion que moi. C'était dans les mauvaises années, encore j'en reviens à dire pour moi. C'était les pires années à partir de l'UFC 7-8. Parce qu'il y a beaucoup de places qui, premièrement, ont mis le UFC illégal pendant ces années-là et les bourses d'argent étaient très minimes. Et je dirais que le sport en tant que tel, si on me demande à moi, là, il a pris, si on veut, la formation d'un vrai sport dans les alentours là, de l'UFC 25 en montant. Avant ça, ça avait si on veut, un semblant de cirque. C'était beaucoup plus le show pendant ces années-là à l'UFC. Et je vais compléter avec quelques autres noms assez rapidement. Tito Ortiz, encore une fois, ben, ce sera aux gens d'en décider. Je ne suis pas sûr qu'il y ait sa place nécessairement. Frank Shamrock, c'est un pensez-y bien également. Helio Gracie, Carlos Gracie, parce que c'est les fondateurs là, du Jiu-Jitsu qu'on connaît à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser là. Là, ce sont les pionniers, les fondateurs un peu du Jiu-Jitsu qui sont si importants maintenant dans ce sport-là. Antonio Inoki, peut-être également à titre de bâtisseur. Au Japon, là également. Antonio Inoki, c'est un peu le Hulk Hogan, le Ric Flair du Japon, mais il s'est impliqué également, pas juste dans la lutte divertissement, mais en MMA également. Rorion Gracie, qui est l'un des fondateurs du UFC. Baz Rutten, il a eu beaucoup de succès en Pancrase, notamment. Au UFC également, il a bien performé. Matthew, qui a été longtemps champion des 170 livres avant que Georges St-Pierre arrive. Dana White, à titre de bâtisseur, on peut l'aimer ou pas, mais en tous les cas, je pense que c'est lui qui a fait connaître le MMA. Ben, en tout cas, il a sans aucun doute aidé à faire connaître le MMA aux Américains et maintenant un peu partout à travers la planète. Pat Miletic, peut-être plus à titre d'entraîneur, mais ça a été un bon combattant également. John McCarthy, l'entraîneur. Rudimar Fredrigo, qui est à la tête de la chute boxe également. Ce sont les noms à laquelle j'ai pensé pour l'instant. Si vous y a des auditeurs. Je vais en rajouter un simplement que je sais qu'il n'a sûrement pas sa place, mais par amour à travers les années comme amateur, je vais rajouter Jens Pulver, qui a une très belle histoire aussi en tant que tel. Si on rentrera pas dedans complètement, mais il n'a pas eu la vie facile si on se met à lire là, sa jeunesse. Et c'est un très bon combattant dans la vie tout court. Combattre pour réussir dans la vie. Alors, je rajoute ça. Ce sera aux auditeurs. Si vous voulez nous rajouter des noms, nous, on s'interroge là-dessus. Puis, avec les semaines, on va penser à comment qu'on va fonctionner. On essaiera de se former peut-être un comité, quelque chose. Puis ensuite, on décidera, là, dans la liste que je viens de vous mentionner. Il y a évidemment des noms qui n'ont peut-être pas la place. Là, c'est juste des noms comme ça rapidement. Alors, on va s'interroger là-dessus. Puis, il y a sûrement des noms qu'on a oubliés. Puis évidemment, là, on n'a pas mis Georges Saint-Pierre parce qu'il est encore beaucoup trop jeune. On n'a pas encore mis Lyoto Machida parce que bon, il est en milieu de carrière également. Mais il y a d'autres noms qui vont se rajouter dans les 10 prochaines années. Mais là, à l'heure actuelle, on veut savoir vos commentaires, vos impressions là-dessus. S'il y a des noms qu'on a nommés et vous dites qu'ils n'ont vraiment pas sa place, eh bien, vous nous mentionnez les raisons pour lesquelles ils n'ont pas sa place. Et si au contraire, vous trouvez que les combattants qui ont leur place, bien, encore une fois, vous nous envoyez vos commentaires favorables aux candidats qu'on a parlé. Oui, puis en allant à la pause, peut-être on peut encore mentionner que si jamais il y a un sponsor qui voudrait sponsoriser ça, ce Temple de la renommée virtuelle-là, ils ont juste à nous contacter ou sponsoriser nos petites annonces comme on fait en ce moment-là. Oui, ça va être intéressant ça pour vous parce qu'on va vous parler de vos produits, ça va nous faire plaisir et il faut que ce soit des produits un peu qui sont en lien avec le MMA. Puis ça va être encore mieux si on aime vos produits là parce que c'est bien beau là, mais ça va être plus facile pour nous de parler de produits qui nous intéressent et qu'on apprécie. Et en même temps, ça va permettre à Fred de rehausser un peu son café et à moi peut-être de mettre deux petits céleri dans mon jus de légumes. Et on a quand même des projets dans l'avenir. Je ne sais pas si Fred, on peut en parler tout de suite, mais on essaierait peut-être éventuellement d'avoir une émission en direct. Et est-ce qu'on en parle, Fred? Oh, je pense qu'on devrait garder ça là pour le moment parce qu'on est encore à peut-être une couple de semaines de ça, mais les auditeurs devraient venir souvent sur le site parce qu'on a des grandes nouvelles qui s'en viennent. C'est ça. On travaille sur des projets qui peuvent vous intéresser. Alors, on vous invite à suivre ça. Et là-dessus, bien, une petite pause musicale. On va s'amuser un peu. Une autre petite gorgée de jus de V8. Et Fred va peut-être avoir le temps de finir son café. De l'émission et avec plaisir, on y va avec la WEC 43. Ça aura lieu le 10 octobre prochain. C'est au Texas que ça va se dérouler et le combat principal pour le titre intérimaire de la catégorie des 155 livres, Donald Cerrone qui s'entraîne avec le clan de Greg Jackson. Situé au Nouveau-Mexique, il a une fiche de 28 victoires, aucune défaite et un combat nul. Ça, c'est en kickboxing, mais en MMA, c'est 10 victoires, une défaite et un combat où il n'y a pas de résultat. Sa défaite, il l'avait subie aux mains de Jamie Varner, l'actuel champion de la catégorie, mais qui est blessé d'à peu près partout. Alors, c'est pour ça qu'on va se disputer le titre intérimaire entre notre ami Donald et Ben Anderson, qui a une fiche, tant qu'à lui, de 9 victoires et une défaite, mais il est sur une lancée de 8 victoires consécutives. Oui, ben, c'est un combat assez intéressant quand même. Mais avant que je louange le combat, je vais juste dire que c'est la seule catégorie de poids dans WEC que j'aime absolument pas. Parce que les 155 livres, ils sont dans l'UFC. Alors, vu que la WEC puis l'UFC, c'est la même compagnie au bout de la ligne, je comprends pas le but d'avoir les 155 livres dans la WEC. Il y avait les autres aussi avant et. Excuse? Ça sonne un peu combattant de deuxième catégorie, là, de deuxième échelon, d'un club école. Exactement. Et c'est de valeur parce que Ben Anderson et Donald Cerrone, pour moi, pourraient être dans l'UFC. Peut-être pas dans le top 10 encore. Mais honnêtement, Ben Anderson ou Donald Cerrone est pas pire que Nate Diaz ou Melvin Gaillard ou plusieurs autres qu'on a vus récemment. Alors, c'est deux gars que j'aime beaucoup. Ben Anderson, j'ai oublié, c'était contre qui son dernier combat, mais il avait été très impressionnant. Et Donald Cerrone, il s'entraîne avec Greg Jackson, comme tu dis. Et pendant l'émission Prime Time là, pour l'UFC 94, on l'avait vu, c'était un de ceux qui était monté à Montréal pour aider Georges St-Pierre en vue de son combat contre BJ Penn. Ah, OK. Je vais pour... Tu m'apprends ça. Alors, Donald Cerrone face à Ben Anderson. Ça, c'est le combat final de cette soirée-là. Et maintenant, je vais poursuivre un peu plus rapidement pour les autres combats. Dans la catégorie toujours des 155 livres, Richard Crockelton, 16 victoires et 2 défaites. Il a perdu dans ses deux défaites. C'était face à Hermes Franca et Rob McAuliffe. Et il va être opposé à Dave Jensen, qui a une belle fiche de 13 victoires. Aucune défaite, 7 de ses victoires grâce à des soumissions. Et ce sera son premier combat dans la WEC. Dans la catégorie des 135 livres, maintenant, toujours un combattant du clan de Greg Jackson, Damasio Page, 11 victoires et 4 défaites. Il a battu, entre autres, le Québécois Stéphane Vigneault par KO, ça c'était en 2006. Et son adversaire sera Will Campuzano, qui a 6 victoires, pas encore de défaites, 4 de ses victoires par KO. Et les deux autres victoires acquises grâce à des soumissions, alors il n'a jamais atteint la limite dans le camp de Campuzano. Il va avoir à faire face maintenant peut-être à un peu plus d'adversité et à un combattant avec beaucoup plus d'expérience. Voyons voir ce que ça va donner dans le cas de Campuzano qui remplace à main levée le Japonais qui est blessé, Akitoshi Tamura. Dans les 155 livres, maintenant, Anthony Jokwani. Ça a l'air japonais, mais c'est un Américain. On peut penser qu'il a des origines japonaises. Par contre, il a une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Et son adversaire, Moshin Carbray, qui a 8 victoires et 3 défaites. À son dernier combat, c'était dans l'élite XC. Et vous vous en rappelez peut-être, vous l'avez peut-être vu, il avait affronté à ce moment-là Nick Diaz. Il avait perdu au troisième engagement. Et Nick Diaz... C'est peut-être, il y avait pas, même si Diaz avait remporté le combat, il n'avait pas nécessairement bien paru face à Moshin. Alors, voyons voir si Moshin est si bon que ça ou c'est Nick Diaz qu'il n'y avait pas cette soirée-là. On va voir ça grâce à l'affrontement Jokwani et Moshin Carbray, qui, Carbray, là, a également de l'expérience en boxe. Il a une fiche en boxe de 6 victoires, 2 défaites et 1 combat nul. Par la suite, à 145 livres, Raphaël Ansoncao, 13 victoires, une défaite seulement, 8 victoires grâce à des soumissions. Il a défait le très expérimenté Jeff Curran, d'ailleurs, par décision majoritaire. Il a également battu dans le passé des gars comme Joe Lauzon et Jorge Masvidal. Son frère, Junior de son prénom, a combattu dans le UFC. Il a maintenu une fiche de 1 victoire, 2 défaites. Il avait perdu face à Nathan Diaz et Kurt Pellegrino. Et dans le cas d'Asuncao, ben vous auriez compris, c'est une ceinture noire en jujutsu, très solide. Bon, 8 soumissions sur 13 victoires, c'est déjà remarquable. Et ce sera l'adversaire du Québécois qui s'entraîne maintenant au Tristar, Yves Jabouin, qui longtemps fait partie de l'équipe d'Ali Nestor. Je ne sais pas s'il y a encore des liens un peu, s'il s'entraîne encore là à quelques reprises. Mais bon, tout ça pour dire que le Québécois âgé de 30 ans, qui a une fiche de 14 victoires et 4 KO, 4 défaites plutôt, et 11 de ses 14 victoires grâce à des KO ou TKO. C'est un gars très solide debout, très rapide, vraiment un style spectaculaire. Comme je l'ai mentionné en début d'émission, son combat face à G.T. Wells pour XMMA s'était conclu grâce à un coup de pied retourné, tout à fait spectaculaire. Alors, beaucoup d'outils debout, Yves Jabouin, mais Ansoncao qui est très solide au sol. Évidemment, Jabouin devra éviter d'être amené au sol parce que debout, évidemment, là, il a toutes ses chances, mais rendu au sol, ça va être beaucoup plus difficile dans son camp. Par la suite, Wanye Fabiano qui s'entraîne avec la Nova Uniao, ça c'est l'équipe de Thales Letes et de plusieurs autres excellents combattants au sol. Wanye Fabiano qui vient à Québec à l'occasion au Nordic Fight Club pour donner des séminaires. Il a 34 ans, 12 victoires, une défaite seulement, et sa défaite c'était face à Jeff Curran, si je ne me trompe pas. Et c'était pas nécessairement, c'était par décision, et c'était très serré comme décision. Il a 7 de ses 12 victoires grâce à des soumissions. C'est une ceinture noire, 3e degré, sous André Perdeneras. C'est un gars excellent au sol. Il sera opposé à Mackenzie Semerzière, qui a 5 victoires, et 4 de ses 5 victoires par soumission. Alors, on peut présumer qu'il est bon au sol, mais attention, Wanye, lui, est un magicien au sol. On a bien hâte de voir le résultat de ce combat-là, et plus rapidement pour les autres combats. Eddie Wineland sera opposé à Manny Tapaia. Charlie Valencia face à Cody Wheeler. Et Davididas, Toro Zevicius, 10 victoires et 3 défaites, devait affronter Mark Omenick, mais Omenick est encore blessé malheureusement. Lui qui est un Canadien qui s'entraîne avec Sean Tompkins du clan Extreme Couture. Et c'est Javier Vasquez qui vient le remplacer. Et un dernier combat entre Noah Thomas et Scott Jorgensen. Combien de fois tu as pratiqué le nom de Toro Zevicius? Toro Zevicius. Hey, je ne l'ai même pas pratiqué. C'est un talent naturel. J'ai beaucoup de difficultés avec plein de noms. Mais lui, il me semble qu'il y a un bon swing. C'est intéressant à dire. Puis en plus, il était supposé affronter Mark Omenick dans le dernier Affliction. Mais bon, Affliction est mort avant ça. C'est peut-être pour ça que j'ai une habilité quand même assez étonnante à mentionner Toro Zevicius. Oui, c'est très bien sorti. C'était très beau à entendre. Alors, profitez-en et réécoutez ce petit bout d'émission, maintes et à maintes reprises. Faites-vous plaisir. Mais avant ça, Warrior One, entreprise canadienne. Et l'événement sera à Gatineau, puisqu'en Ontario, vous le savez, le sport est encore pas encore permis. Alors, on franchit la ligne. On est au Québec. Gatineau, l'Arena Robert-Guertin. Combat final. Carlos Newton, très expérimenté. Une fiche peut-être pas très remarquable, 14 victoires, 13 défaites, mais il faut pas, il faut quand même voir un peu les adversaires qu'il a, avec qui il s'est frotté. Je me rappelle d'un combat quand même intéressant face à Sakuraba. Sakuraba l'avait soumis, mais Sakuraba à cette époque-là, c'était un maître de la soumission, un magicien, puis il soumettait à peu près tout le monde, dont à peu près toute la famille Gracie y a passé. Ça, c'est assez remarquable. Alors, Carlos Newton sera opposé à Shawny Carter, monsieur international, qui a eu du succès ici et là, UFC un peu partout. Il a mis KO Matsera, vous en souvenez peut-être. C'était en 2001, ça remonte à longtemps, mais on le voit toujours dans les plus beaux KO face à un Matsera. Il avait terminé ça avec un coup de poing du revers retourné, un spinning back fist, c'est un peu plus violent qu'on dit en anglais. Alors, Carter, 48, 19, 7 et 1. Alors, 48 victoires pour 19 défaites. Il est né en 1972, alors un peu plus âgé que Carlos Newton. Ça peut être un combat intéressant. Newton avait pris un break, il était revenu dans un événement Warrior One il y a quelques mois. Et là, il semble vouloir continuer, persévérer là-dedans. C'est un gars qui a beaucoup de talent au sol, bon physique, mais debout, c'est pas nécessairement. Il est pas très dangereux debout. Et au sol, il est très bon. Il a soumis entre autres Pat Miletic, c'était en 2001, pour devenir le premier champion canadien du UFC à ce moment-là dans la catégorie des 170 livres. Son règne n'a pas été court parce que Matthews est arrivé là, l'élève de Pat Miletic. Puis il a sonné Carlos Newton comme un bananier. Par la suite, il y a quelques autres affrontements que je vais vous mentionner. Rémi Morvan, 6 victoires. Il n'a pas encore subi la défaite. Et 5 de ses 6 victoires par soumission. L'autre par TKO. Alors, tout ça pour dire qu'il n'a pas encore atteint la limite. Il a 26 ans. Il s'entraîne à Ottawa, dans l'Académie d'arts martiaux d'Ottawa. Et également affilié à Renzo Gracie pour ce qui est de son jujutsu. Et bon, avec 5 soumissions sur 6 victoires, on voit que ça porte fruit. Ce sera son deuxième combat en 2009. Évidemment, l'autre, il a gagné puisqu'il n'a pas encore subi la défaite. Il sera opposé à Adrian Woolley, un autre Canadien qu'on a vu dans l'organisation TKO à quelques reprises. Il a 5 victoires et une défaite. Et en fait, tous ces combats précédents s'étaient déroulés dans l'organisation québécoise TKO. Et il a perdu son dernier combat. C'était par soumission face à Noah Thomas. Par la suite, plus rapidement, Marc Ferland sera opposé à Ozzie Bruno. Bruno, j'ai aucune idée qui est Marc Ferland, honnêtement. Mais dans le cas d'Ozzie Bruno, 2 victoires, aucune défaite. Semble-t-il que c'est un personnage, un ancien partenaire de travail. Marco Poulain me parlait d'Ozzie Bruno parce qu'apparemment, c'est un personnage. Et je sais qu'il a déjà défié Steve Bossé. C'est un gars qui ne semble pas avoir peur. Et debout, j'ai trouvé sa technique un peu limitée debout, mais très efficace. Il semble avoir du timing, une bonne charpente. Combat dans les poids lourds et ces 2 victoires là, se sont terminées assez rapidement au premier round grâce à des KO ou à TKO là, assez facilement pour Ozzie Bruno. Alors voyons voir s'il va pouvoir poursuivre sa route victorieuse. Mitch Gagnon également va être là pour affronter Mark Holtz. Alors tout ça, c'est un rendez-vous Warrior One, 10 octobre. L'Arena Robert-Guertin pour ceux qui veulent se déplacer. Sinon, nous, on aura évidemment les résultats la semaine prochaine dans notre émission. Alors, ça semble être presque la fin pour cette émission-ci. Oui, peut-être rapidement. Oui, Fred? Oui, ben peut-être mentionner justement, comme je pense que tu allais faire, que le Gala Dream aura lieu, je veux pas me tromper, c'est dans la nuit de lundi à mardi que ça aura lieu et on aura un combat avec Shinya Aoki et Joachim Hansen en finale. C'est pour le championnat des poids légers de Dream. Et aussi, il y a Kazushi Sakuraba qui a été annoncé sera de cette carte-là. Et on ne sait pas encore exactement, je pense, qui va affronter, ou à moins que toi, tu as lu des nouvelles informations. Je ne sais pas, mais on peut tous attendre avec les Japonais. Ça peut être un personnage de bande dessinée ou je ne sais pas. Peut-être même qu'il va se battre contre lui-même, là. Pour moi, Sakuraba, ça fait peut-être 5 ans, il aurait dû prendre sa retraite. Mais on ne sait pas. J'espère qu'on va y mettre quelqu'un qui n'est pas trop bon debout, là. Au sol, Sakuraba a des chances, mais debout, il pourrait en manger toute une, puis à un moment donné, pas juste mettre un terme à sa carrière, mais peut-être bien à sa vie, parce que dernièrement, là, il s'est fait brasser, le pauvre Kazushi. Oui, dans le cas de Sakuraba, je pense que tu as peut-être raison. Il y a eu beaucoup de dommages à travers sa carrière. C'est justement ce qui l'a rendu si célèbre, c'est le fait qu'il lâche pas, si on veut. Il a du cœur à n'en plus finir. Mais on a eu une semaine tranquille. Alors, on a passé beaucoup de temps aujourd'hui à parler de gars comme Travis Luther, Jason McDonald, Eastman, Carlos Newton. C'est tous des vétérans qui combattent encore parce qu'ils aiment le sport. Alors, Sakuraba, il doit faire ça parce qu'il aime ça. Et j'espère qu'il y a du bon monde autour de lui qui le conseille, point de vue médical, qui lui dise la vérité, qu'il est apte à combattre. Pas sûr, hein, au Japon, puis juste à y voir Exactement. la face, là, ça a laissé des traces ses combats, et il est boursouflé de partout. Pauvre Sakuraba, moi je l'adore, c'est lui qui m'a fait aimer ce sport-là, mais là, Exactement. C'est pour ça que dans le cas de Sakuraba, je pense qu'il serait peut-être temps qu'il considère la retraite. Mais dans d'autres cas, comme on mentionnait plus tôt, des McDonald's et tout, je suis très heureux de les voir continuer à combattre par pur amour, sûrement. C'est des gars qui veulent compétitionner. Alors, il faut leur donner la chance et tant mieux pour eux. Alors, on ne prend pas le temps de parler toute la carte du Dream 11. On l'a fait la semaine dernière. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, vous écoutez l'émission de la semaine passée ou peut-être juste ce segment-là. Et pourquoi pas toute l'émission, là? On est tellement bon. Et tout ça pour dire également, lors de cet événement-là, il y a le tournoi Hulk, le Super Hulk qui continue. Bob Sapp va être là à nouveau. Bob Sapp qui va se battre le lendemain. Également, le 7 octobre à Hong Kong en kickboxing et je pense le 28 novembre également, il y a un autre combat de prévu en France. Alors, Bob Sapp est en feu, mais d'après moi, Bob Sapp, c'est le genre de gars là, qui c'est une vraie farce, mais donne un spectacle, les gens semblent l'apprécier. Alors, voyons voir ça. On aura les résultats. Je vous invite à suivre mmnouvelles.com, là, peut-être, pour avoir toutes les nouvelles qui vont se passer au courant de la semaine à propos du UFC, les autres organisations intéressantes et majeures. mmnouvelles.com, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour nous, on va être là la semaine prochaine. Vous avez écouté La Voix des Guerriers. On espère que vous avez apprécié ça. On souhaite bonne fête à l'ami Fred Garcia qui a fêté cette semaine son 32e anniversaire. C'est bien ça? Oui, exactement. On s'en vient vieux. Oui, ça fait. Commence à manquer des cheveux au milieu de la tête, mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Ouais, alors écoute, bon anniversaire à toi. On se reparle la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler de quoi? On va parler des résultats des événements qu'on vous a parlé cette semaine. Et là, on se rapproche, mais on n'est pas encore tout à fait là. Mais on se rapproche du UFC avec le combat que j'attends avec impatience, Lyoto Machida et l'ami Mauricio Shogun Rua. Alors, on s'approche de ça, mais ce sera pas encore la semaine prochaine. On va passer un peu de temps là-dessus, mais pas encore. C'est pas encore tout à fait ça, mais on va vous parler d'un événement qui aura lieu au Québec, la MFL, qui aura lieu le 17 octobre. On vous présentera la carte, puis on va se trouver. Il y a tout le temps d'autres sujets qui s'ajoutent là-dedans. Puis on va sûrement poursuivre notre route vers le temple de la renommée. Là-dessus, on va vous inviter à nous envoyer vos idées, vos suggestions, vos commentaires, vos plaintes, n'importe quoi. Voulez-vous lamenter? C'est le temps. Radio à commercial, radio à commercial, mmnouvelles.com, évidemment, ou par n'importe quel autre moyen. On est attentif à vos besoins et on vous aime bien. Vous passez une agréable semaine. Salut Fred. Salut Ken, puis merci aux amateurs, c'est eux qui nous encouragent. Oui, bye.